Crépidule, le podcast qui porte une voix féministe à la République. C'est parti. Salut Alessandra. Salut Lynn. Comment tu vas? Écoute, je vais bien. Ok. On est toutes excitées pour l'enregistrement de ce 29e épisode de Crépidule parce qu'on a du nouveau matos. Ah là là. Et on espère que ça s'entendra côté qualité son et qualité discussion. Donc on accueille dans notre équipe la bête. The Beast. Comme toi, tu l'as nommée. Hey, c'est pas moi, c'est notre... je sais pas comment dire, notre... conseiller. Ouais, notre conseiller technique. C'est ça. À la radio La Fabrique. Et ouais. Il nous a dit, si vous pouvez, ça c'est vraiment une bête. Ouais. Et voilà, il est son nom. En plus, j'aime bien parce que d'habitude, là, en tout cas depuis qu'on a commencé, c'est un peu moi qui fais gardienne de matos technique. Mmh. Et puis, parce que voilà, quand on a lancé le podcast, on avait un enregistreur qui était à moi, ou plutôt qu'on m'avait prêté, que j'ai dû rendre. Et puis ensuite, c'est la radio La Fabrique, où on est aussi diffusé, qui nous avait prêté du matos. Et c'était moi qui gardais ce matos-là chez moi. Je sais pas vraiment pourquoi, mais ça s'est fait comme ça. Et puis je sentais que j'avais comme ça un poil plus de légitimité côté, manipuler les enregistreurs que toi. Mais celui-ci, on l'a commandé sur Internet et il est arrivé chez toi. Chez moi. Et c'est moi qui ai ouvert le mode d'emploi. C'est ça. Donc c'est toi qui es devenue la gardienne de la bête. Ouais. Et c'est toi qui a ouvert le carton, qui a fait les tests et tout. Tu te sens un peu... Je me sens, c'est toujours assez impressionnant parce que c'est tout un monde et je suis juste un tout petit peu frustrée parce que on a encore la dimension, on a acheté cette bête pour pouvoir enregistrer dans de bonnes conditions dehors. Bon, là il fait trop froid de toute façon. Et là, c'était juste, là on est chez moi, c'est vrai. Quand même. Mais voilà, on a encore il faut qu'on investisse encore dans du matériel. De deux micros précisément, ouais. Pour nous permettre d'enregistrer dans de bonnes conditions dehors. Ouais. Et ça, on n'a pas pu encore parce que c'est tout de même des frais. Mais c'est assez marrant parce qu'on devient des sortes d'ingé son malgré nous, c'est cool. Ouais. Quand on était dans le podcast, quand on avait enregistré le live au Xanask, ouais. Puis qu'il fallait répondre aux questions que Fanny, l'ingénieur son, nous posait, c'était un peu là. En fait, on appuie sur le bouton, puis on y va, hein. Et on prie. yes. Bon, toi, t'as proposé plusieurs sujets pour cet épisode et ton enthousiasme, Alessandra, et ta, je sais pas comment, ta discipline. Je ton travail vient à point parce que moi j'ai été un peu desséchée niveau inspiration thématique et peut-être aussi un peu niveau discipline de travail. Et justement, avant le week-end passé, j'ai commencé à légèrement paniquer parce que j'avais dit, il va falloir qu'on trouve des sujets de discussion pour le podcast. Et en plus, je partais en week-end en amoureux à Copenhague. Et j'étais là un peu genre, ok, j'espère que je vais voir des trucs à Copenhague pour pouvoir parler, qui vaille la peine. Puis heureusement que tu m'as dit le soir avant de partir que tu avais plein de choses dont on pouvait discuter. Tu as pu partir tranquille, je t'aime. Ouais, tranquille la glandouille. Je t'envie. Donc ouais, je te donne... Oui, j'avais peut-être envie de parler d'une petite chose un peu personnelle, deux choses personnelles. La première, c'était, donc je suis en train de mener un doctorat en histoire de la médecine, et là j'arrive bientôt au bout de ma première année, et je me suis rendu compte que ce qui est particulier, maintenant je ne sais pas si tout, voilà, chaque fois qu'on est dans une situation professionnelle c'est comme ça, mais il y a une dynamique d'évaluation qui est super fréquente, très régulièrement. T'es évalué sur ce que tu fais, comment tu le fais, mal, enfin, tu vois. Toi, t'as l'impression que dans ton job aussi, c'est quelque chose qui est présent de te faire évaluer? Ouais, bon, moi, j'ai l'impression que c'est dans ma vie, au quotidien. Mmh. Tu vois, ce truc de toujours vouloir faire bien et que c'est important d'avoir un retour toujours de préférence positif. Mais j'imagine qu'en faisant... Enfin, le travail de la thèse, c'est aussi très différent parce que ça doit être comme ça, très solitaire. Et puis, tout d'un coup, bah, c'est ça, en fait, ton rapport avec les autres, c'est l'évaluation. Oui, puis il y a toujours ce truc de légitimité. Est-ce que j'ai les moyens de... Est-ce que j'ai vraiment bien compris l'affaire? Parce que c'est des codes, les codes académiques sont quand même... voilà, c'est un monde en soi qu'il faut essayer de comprendre. Et puis, ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui fait écho à ce que tu dis. J'avais toujours cette pression, justement, de faire preuve de... Donc, de mettre beaucoup de zèle, beaucoup d'engagement, voire d'engagement personnel. Puis en fait, je me suis rendu compte que et la prof de ma fille, elle dit toujours le métier d'élève. En fait, j'aime bien cette expression, le métier de, parce que ça implique qu'il y a voilà, un cadre, que tu as des compétences, qu'il y a tout un ensemble de choses. Et donc, je commence à apprivoiser mon métier de doctorante, ce qui a comme vertu de que quand je suis évaluée, je ne prends pas ça à cœur, justement, parce que je ne suis pas en train de me mettre en jeu personnellement à chaque fois. Mmh. Ouais, ça, je pense que c'est important. Fondamental. Et du coup, ça devient une sorte de maître de vie, tu vois, parce que tu es toujours ramenée à ça, en fait. Non, mais voilà, là, on critique ça, mais ce n'est pas moi, c'est cet article que j'ai fait, ou ce truc, ou... et ça, je pense que c'est une bonne chose à apprendre. Et puis l'autre truc aussi perso, bah, c'était un petit point jujitsu quand même. Yay. Parce que le dernier date de l'épisode 25. Et puis je voulais préciser par rapport à cet épisode 25 où je racontais comme c'était parfois clashant de se retrouver dans un monde masculin. Et bien en fait, ça se passe super bien. Je crois que j'ai appris aussi à m'entraîner de manière plus soft. Parce que je me suis rendu compte que moi-même, j'étais une énergie qui était peut-être déplacée. Et puis, ben, en fait, je recevais aussi la monnaie de ma pièce, tu vois. Mmh. Et ça, c'est aussi une des vertus, je trouve, à se confronter physiquement. C'est qu'au fil du temps, on apprend, t'aimes pas ces termes, je crois, mais à maîtriser, tu vois, à discipliner, à doser sa force. Mmh. Parce que quand t'as jamais l'occasion, ben ouais, de nouveau, comme pour le doctorat, tu y vas à fond, tu te mets en jeu personnellement dans le truc. Et ben non, avec la régularité, puis tu vois, je vais deux fois par semaine, ce qui est le cas de la plupart des gens, puis à chaque fois tu reviens avec des micro-blessures, sur la longue, c'est un peu pénible, quoi. Et puis voilà, donc j'ai pas quelque chose à prouver à chaque rencontre, et puis du coup ça m'amène à être plus pacifique, concentrée, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que toi t'as aussi, moi qui te connais personnellement, c'est vrai que t'as vraiment ce truc où tu t'engages à 100% dans les choses que tu entreprends. Je pense que c'est une différence entre toi et moi. Ou moi je pense que j'ai certaines choses comme ça. Où ça peut devenir très extrême, mais pas... toi, c'est vraiment une sorte de discipline que... Ouais, mais c'est, voilà, de nouveau, ça évolue. En fait, je compte pas m'arrêter dans cette posture, tu vois. Ouais, je pense que c'est tout un équilibre, comme tu dis. Ouais. Mais ouais. Non, mais c'est comme aussi parfois, tu vois, quand on parle de sujets dans le podcast, et puis toi, t'as pas eu l'occasion de dire tout ce que tu voulais dire, tout ce que t'avais préparé pour le sujet, parce que voilà, le temps, il a pas permis, ou tout d'un coup, on a commencé à parler d'autres choses. Bah, toi, t'es hyper frustrée, alors que moi, par exemple, bah, si je dis pas un truc, je suis un peu bon, bah, je le sais, et puis c'est pas grave, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que toi, c'est un truc, c'est vraiment... Mais on est souvent dans ces dynamiques différentes, puis on se dit que l'idéal, il est comme ça, il se balade entre nous, quoi. Hein? Au milieu de la table, quelque part. Au milieu de la table. Il était à la place du guacamole, la dernière. Ah oui. Et puis, je voulais aussi te raconter un truc, c'est que par rapport à ce sujet de sous, ce dont je me rends compte que je dois apprendre, c'est la notion de se déplacer de manière ancrée et stable. Et ça, c'est quelque chose, la stabilité ou l'équilibre, je l'avais beaucoup travaillé dans d'autres approches, Qigong, Douyin, tout ça, où c'est des équilibres statiques. Voilà, tu es dans une posture canal ou d'arbre, ou Dieu sait quoi, tu t'enracines. Mais avoir cette stabilité en se déplaçant et encore plus en faisant des clés, ça, je me disais que c'était de nouveau tout un enjeu aussi de socialisation féminine. Je ne dis pas que tous les mecs y arrivent facilement. Mais ça m'a fait penser, tu sais, en 2013, j'avais participé à un atelier de racking. Enfin, on ne se connaissait pas encore, c'était avant ma formation. Ouais, c'était avant. Mais je me rappelle que quand on s'est rencontrés, tu parlais souvent de cette expérience. Ah, mais c'était fondateur, parce que ça m'a perdu déjà pendant plusieurs semaines. Je ne savais plus comment me tenir. Enfin, j'étais là, qu'est-ce qui est de mon éducation, de mon plaisir? Là, je tiens les jambes serrées, mais c'est quoi? Je suis vraiment bien. Ouais. Voilà, je questionnais tout. Mais moi, j'adore me perdre. Mais peut-être juste préciser ce que c'est, les ateliers de racking. Alors, les ateliers de racking, c'est un moment où, quand on participe, on commence par déjà travailler au niveau physique, de se grimer, de s'ajouter des poils, soit en se les dessinant, soit carrément tu peux te coller aussi des cheveux que tu coupes, puis que tu vas te coller comme des poils de barbe. De prendre des habits, c'est de construire une masculinité. Alors voilà, il y a des participantes qui vont construire une masculinité dominante, genre le gros con, mm-hmm. une participante qui était là. Moi, je fais toujours un gros con, en fait, il y a toujours un gros con qui sort de moi. Mais comme exutoire, tu vois, de prendre... Ouais. Mais c'est marrant, non, parce qu'il y a... D'ailleurs, je me demande si elle... Non, c'est peut-être pas elle qui est décédée, mais il y a cette... une performeuse drag king, je crois que s'appelle Diane Tarr, c'est possible, non? Diane Thor. Thor, excuse. Et qui, elle, justement, je trouve... Enfin, son personnage, il est un peu comme ça, gros con, quelque Exactement, part. Exactement, elle fait un peu le preacher man américain, où elle est là, elle assène plein de vérités. Ouais. Et justement, ça fait faire toutes sortes de liens. Attends, je finis juste. Mais tu peux... Il y a aussi des masculinités alternatives. C'est-à-dire, ouais. justement, tu voudrais créer une sorte de masculinité dans laquelle tu te reconnaîtrais plus, ou qui serait peut-être aussi ta dimension masculine. Ouais. Mais je pense que c'est aussi important de dire que c'est pas... Enfin, moi, j'ai jamais fait de... C'est plus toi qui m'en as parlé ou d'autres personnes. J'ai jamais fait d'atelier drag king. Mais j'ai l'impression que c'est quand même... C'est pas... L'idée, c'est pas de se déguiser en mec. Mais c'est plus de, justement, comme tu dis, de faire des recherches sur la masculinité, d'incarner, en fait, la masculinité, mais aussi dans un corps vu comme féminin. Enfin, c'est plus travailler cette masculinité-là et comment on la déploie dans l'espace. Bah c'est pas un déguisement, ça. C'est vrai que c'est bien de préciser que c'est pas un déguisement, mais ça a plusieurs vertus. C'est déjà de quand tu prends les attributs de la masculinité, tu vas voir, par exemple, tu vois, tu te fais une fausse bite en préservatif rempli de coton, rien que cette présence de cet objet-là dans ta culotte va te faire tenir les jambes différemment. Mm-hmm. Donc c'est une manière d'expérimenter autre chose, mm-hmm. autre chose que ce à quoi tu étais destinée en tant que fille, quoi. Mm-hmm. Et c'est pour montrer aussi que la masculinité, elle va pas de soi, elle est pas naturelle. Mm-hmm. Elle a aussi toutes sortes de codes. Par exemple, il y a des jeux de rôle. Après, tu vas comment tu te rencontres entre gars, comment on apprend aux gars à se rencontrer aussi, tu vois, ouais. à pas s'excuser, à pas sourire tout le temps. C'est une manière de à la fois déconstruire ouais. tes habitudes de fille. Et d'explorer, si tu te marres. Non, mais ce truc de sourire tout le temps, c'est tellement terrible, quoi. Comme, parfois, tu souris dans des situations, mais tu te sens tellement débile, quoi. T'es là, mais pourquoi tu souris? Ça brûle. Ouais, quoi. Ça brûle, ouais. Puis parfois, d'autres moments où tu souris pas, puis on te le reproche, tu vois. C'est vraiment un truc comme ça. Je pense que le sourire, c'est vraiment la féminité, c'est incarné comme ça dans le sourire, ou le sourire incarné. Ouais, mais c'était Monique Wittig qui disait que c'était l'étoile jaune des femmes, ouais. le sourire, c'est violent. Mm-hmm. Bah, tu vois, à un moment donné, on devait... Enfin, on buvait une bière dans cette posture masculine. Et puis vraiment, mais on a fait santé avec une autre personne, et ils se sont... Mais... explosé, tu sais, ça a giclé de la bière, mais partout, c'est pas juste pof, tu vois, c'était vraiment mais épouvantable. Et puis, enfin, ça venait un peu de ma faute, en guillemets. Au lieu justement de m'excuser et tout ça, j'ai fait une monstre tape dans le dos à la personne, j'étais là, oh oh, je vais t'en chercher une autre, tu vois. Puis c'était chouette, c'est vrai qu'en tant que fille, je me serais toujours dit, ah, oh, pardon, je suis désolée. Ouais. Bon, et puis, Diane Thor, justement, tu l'évoquais, elle participe, enfin, elle est filmée dans un documentaire qui a été fait par une réalisatrice suisse qui s'appelle Gabrielle Bohr en 2001, et ce doc s'appelle Venus Boys. Ouais. Et là, déjà, il y a deux choses. Il y a la bande-annonce qui sera dans le post-pod, et déjà, la bande-annonce, elle est forte. Et puis, j'ai vu qu'en fait, vendredi 9 mars, à l'association L'Estime à Genève, ce doc va être projeté à 20h. À 20h. Et Diane Thor, elle fait dans ses ateliers, elle mène aussi des ateliers de racking, et elle parle de la manière de marcher, justement. Et elle illustre la marche masculine comme étant vraiment très sûre d'elle. Elle invite les participantes à marcher en tant que maître des lieux. Et ça, voilà, c'est aussi une réflexion par rapport au jiu-jitsu, d'essayer cette marche de puissance, donc stabilisée, qui permet de dérouler les clés en marchant. Ouais, ça, je trouve hyper intéressant. Ça, c'est vraiment une manière d'investir l'espace, en fait. De montrer que t'es stable dans un endroit, que t'es pas... voilà, que t'es pas vulnérable, en fait. Enfin, en tout cas, tu l'exprimes pas par... Et légitime aussi. Et légitime, ouais. Mm-hmm. Ouais. Et puis ça, bah, dans les ateliers d'autodéfense féminine, on dit beaucoup ça. La manière dont tu vas déjà bouger dans la rue va donner des messages différents. Mm-hmm. Ouais. Et puis, mais bon, Il y a une autre chose encore pour, avant de finir ce sujet, c'est le Kissgate, je l'ai appelé. Ok, tu vas nous en dire plus. C'est le, comment on traduit le l'affaire du bisou. L'affaire, voilà, l'affaire de la bise. Ah, de la bise. Et l'affaire de la bise, c'est que quand je suis débarquée dans... Quand j'ai tu débarqué, es. Voilà, quand j'ai débarqué dans ce club, voilà, très vite, je me suis rendu compte que ça se faisait la bise à chaque début d'entraînement. Ah ouais, moi ça me traumatise. Hein, si, je pense que j'arrêterai le cours en fait, direct. Ben, ouais, moi j'ai genre développé des stratégies style arriver juste en retard, c'est bien calculé pour arriver pas complètement en retard, mais pas en avance pour que t'aies plus le temps de faire la bise. Et puis c'est que la bise entre hommes et femmes. Alors, je ou crois que les hommes femmes... aussi se font ah la non, bise. Les hommes, bien sûr, ah, que okay. Non, ils se font pas la bise justement, eux ils se serrent la pogne bien tranquillou. Mm-hmm. Et puis bise entre les femmes. Mais donc comme il y a moins de femmes que d'hommes, tu te retrouves en tant que femme à faire vraiment beaucoup de bises. Puis voilà, c'est des gens que tu connais pas. Ouais. Moi, les bises, j'aime pas ça en fait. Les gens que je connais, je les serre et puis je les embrasse une fois. Mais je m'engage dans ce geste-là. Autrement, ça, vraiment, ça me plaît pas du tout. C'est entre intime et veut rien dire quoi. D'ailleurs, je sais pas si tu vois, moi je connais des gens qui, quand ils te font la bise, ils font même pas le bruit, c'est clang. Ouais, ouais, clang, ça c'est interdit. Clang. C'est interdit, on le dit maintenant au micro, c'est pas ok. Hein. C'est pas du tout ok. Alors bon, tu vois que j'étais là, ok, je vais pas m'amuser à ça tout le temps, je vais dire que moi j'aime pas trop la bise. Et je l'ai dit, je pense. Tu l'as dit avec cette voix-là, j'aime pas trop la bise, moi. Non, je l'ai dit, mais c'est pas facile. Hein. Vraiment, ouais, ouais, non, c'est hyper mal vu. Ouais. Moi, je fais pas souvent la bise aussi, et souvent, ça m'arrive de dire non, moi je fais pas la bise. Puis c'est vrai que ça, c'est toujours suivi d'un commentaire. Ou bien parfois, tu le dis pas, mais t'essaies plutôt de serrer la main. Mm-hmm. Et puis, si c'est un homme, ça arrive souvent qu'il va te faire non, mais on se fait la bise quand même. Puis il se jette un peu sur toi comme ça. Ça, c'est hyper deg, je trouve, en fait. Ouais, parce qu'il n'y a aucune écoute de ce que tu dis. Ouais, c'est ça, aucune écoute. Et puis en plus, c'est vraiment ce truc qu'on te ramène à que toi, t'es une meuf, alors on va te faire la bise. Hein. Uh-huh. Tu te calmes avec ta poigne, là. Peux te la garder. Et tu n'as peut-être même pas droit à la poigne. Si, serait... mais tu vois, ça va être plus un truc où on va te prendre la main, puis tu vois, on va te tirer un peu vers... La personne va te tirer vers elle, puis te faire la bise. Oui, puis c'est comme toutes les conventions, parce que donc, là, alors, j'ai trouvé la niaque pour le dire quand tout le monde était dans la salle. Et puis, tu vois, en disant, ouais, c'est pas contre vous, mais puis tu sais, de leur faire juste réaliser, ben voilà, que eux, entre hommes majoritaires, ils pouvaient serrer la main, puis que nous, on avait un geste différent. Puis il y a des gars qui ont tout de suite compris le truc et tout. Mais donc, ça, c'était au mois de fin septembre, je pense, début octobre. Donc, je suis allée encore, je ne sais pas si jeudi, mais mardi passé, je rentre dans la salle et il y a toujours, bon, c'est un peu le même gars qui me dit « Ah ouais, toi, on ne te fait pas la bise hein, !» Ou bien il me dit « tu vois, Ah ouais, toi, tu n'aimes pas la bise, c'est bon, j'ai compris. » Tu sais, il me le ressort à chaque fois, tu sais. T'as envie de le prendre dans les bras et dire « Tranquille, tout va bien. » Ça ne sera pas le chaos dehors, ça va aller. Tu vas voir ton dîner ce soir. Puis tu vois, finalement, ouais, à la chaud. Fin, il y a des gars que là, je commençais à voir régulièrement, que j'embrasserais bien parce qu'ils sont cool. Ouais. Maintenant, je peux plus parce que je dis que j'aime. Ouais. Mais en même temps, il y a une mère, on dit mairesse, une mère. Une mère, ouais. Une mère de Morette, qui est un petit village de 400 habitants en Isère, donc en France, qui s'appelle Aude Picard-Wolf, puis qui a décrété, elle aussi publiquement, que dès le 1er janvier, ben, elle ne ferait plus jamais la bise à ses adjoints, et elle précise ni aux 73 représentants des communes avoisinantes qu'elle devait embrasser à chaque fois. La nana aussi, elle a pété le câble, elle était là, c'était pas possible, elle avait aussi ses stratégies d'arriver en retard, dès qu'elle avait un rhume, elle était trop contente de le brandir, je n'embrasse personne, j'ai un rhume. Et puis voilà, donc il y a eu toute une petite réaction médiatique autour de ce geste qui est aussi assigné au féminin. Parce que ouais, c'est vrai que c'est très étrange, en plus dans un contexte professionnel en fait, de devoir faire la bise... Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé, je crois, dans même les multiples expériences professionnelles que j'ai eues, jamais qu'on ait fait la bise en arrivant au travail. Parce que je sais que ça existe, oui. Que genre chaque matin, t'arrives, tu fais la bise. C'est ça. Dégueulasse. Mais j'ai pas envie que quelqu'un, à part mon mec, peut-être, touche mon corps avant je sais pas quelle heure, tu vois, mais c'est juste... T'imagines arriver au travail chaque matin? Ben, enfin, c'est atroce. Il y a une femme qui témoignait justement, qui, mais ça paraît difficilement croyable, mais qui avait 400 employés dans son entreprise. Non, mais ça ne veut rien dire. En arrivant, elle a réalisé que tout le monde avait cette habitude de passer dans les bureaux puis de s'embrasser, tu vois. Et elle a aussi beaucoup hésité, elle a envoyé un courriel général, puis de nouveau avec des réactions de gens qui comprennent tout à fait. C'est des mini-révolutions pragmatiques. Alors, l'autre chose dont j'avais envie de parler avec toi aujourd'hui, c'est, ça remonte un petit peu, vacances de Noël, on a fait une petite expé familiale à Neuchâtel. À Neuch. C'est en Suisse, pour ceux qui ne savent pas, ceux et celles qui ne savent pas. Je ne sais jamais, en fait, un peu les auditeurs et les auditrices qui, par exemple, sont en France ou, tu vois, francophones, mais en dehors de Suisse, ils ont un peu une conscience de la géographie suisse, enfin, la géographie helvétique ou pas. En tout cas, on sait qu'on a des clics étrangers à la Suisse et probablement que non, quoi, tu vois. Ouais. Connaître les méandres géographiques de la Suisse. Mais donc, c'est une petite ville, enfin, plus petite que Genève, en tout cas, qui est assez chouette, au bord d'un lac aussi. Le lac de Neuch. Mais le lac de Neuch. Et puis, ils ont un musée d'ethnographie, le MEN, que j'aime toujours. Moi, j'ai fait une partie de mes études là-bas. J'aime toujours aller visiter. J'aime bien leur être un esprit critique, mais aussi sur le local. Voilà, un esprit un peu, comme on dit, bravache, un peu contestataire, un peu... ouais, voilà. Chaque fois qu'il y a une expo, j'essaie d'aller la voir. Et ça fait en fait plusieurs temps qu'ils étaient dans des travaux de rénovation. Et là, leur première exposition sert à mettre en valeur une partie de leur collection. Titre de l'expo, l'impermanence des choses. Ok. Et cette exposition, en fait, elle n'est pas organisée suivant, tu vois, un genre de fil chronologique ou géographique, mais suivant des questionnements qui sont illustrés dans différents espaces. Avec plus, en fait, c'est ça qui est super chouette, c'est qu'il y a une interrogation de la démarche ethnographique en elle-même, à travers l'histoire de la constitution de ces collections. Donc voilà, comment, à partir de quelles années, qui a collecté quoi, comment. Donc c'est plus l'histoire d'une démarche ethnographique qui est ici mise en jeu, mise en question. Et puis dans une position assez critique sur la démarche muséale de ce musée. Alors finalement, au fil de cette visite, tu te rends compte que c'est pas tellement la question de l'impermanence des choses, parce que finalement ces choses qui sont montrées sont très anciennes, donc tu te dis qu'elles ont une durée de vie assez ébouriffante, mais l'impermanence du sens qui est donné à ces objets, dans une évolution d'un regard qu'on pose sur ces objets, puis en posant un regard particulier sur ces objets, c'est aussi quel regard tu vas poser sur l'autre, donc l'autre culture dont ces objets sont issus. Je te donne comme ça différents exemples. Il y a par exemple un des premiers conservateurs qui achetait énormément d'objets au bazar du coin de la ville. Dans ce bazar, il y avait tout un folklore d'objets comme ça, dont on disait qu'ils provenaient de tel ou tel pays. Et puis voilà, sans trop se préoccuper de leur véritable origine, ce conservateur, on a acheté plein dans ce bazar. Ça, c'était pratique, il y avait qu'à descendre de la rue. Parce qu'il y a aussi la question de l'enjeu de combien, plus ta collection de musées est importante, plus tu vas être reconnu. Ça, j'ai aussi appris ça. Et puis, il y a aussi une histoire qui est mise en scène d'objets pseudo-artisanaux issus de cultures amérindiennes, mais qui en fait étaient commandités par un Allemand, je crois, fabriqués en Espagne, puis ramenés en Amérique latine pour être vendus par des indigènes. Donc en fait, à la fin, ça faisait vrai, tu vois. Il y a aussi un conservateur qui a acheté comme ça. Et puis, il y a l'artisanat d'aéroport, je trouvais hyper intéressant. C'est, oh wow. Tu vois, quels objets sont proposés dans les vitrines des aéroports dans chaque pays. Donc, voilà, clairement destiné au tourisme. C'est cool. Ouais, c'est cool parce qu'en fait, ça te renseigne sur l'image. Ouais, c'est ça, tes attentes, tes... Ouais, l'image que les locaux savent que les étrangers ont d'eux-mêmes et veulent retrouver. Donc c'est ça, ces objets, ils ont tout le temps ce double mouvement de nous renseigner, ok, peut-être sur la culture d'origine, mais sur la manière dont on la regarde, ouais, cette culture. Ouais. Et puis, il y avait encore comme exemple une vitrine que j'ai vachement aimée, parce qu'il y avait dans une pièce, il y a plein de vitrines assez chargées, comme ça, c'est l'espace bazar, justement. Et tout d'un coup, tu as une vitrine toute blanche, avec une série de cailloux un peu oblongs, comme ça. Et en fait, ça, évidemment, un caillou, ça te paraît complètement anodin, mais il y a un petit explicatif qui te raconte qu'ils sont hyper importants pour la population chez qui ils ont été récoltés. Je ne sais pas si c'est des cailloux qu'eux taillaient ou qu'ils recherchaient pour leur forme, leur érosion naturelle, et qui servaient de munitions aux frondes. Voilà, une ethnie qui chassait, donc pour qui c'était fondamental. Puis là, la présence, le fait que c'était un missionnaire quand même, je crois, mais qui les a ramenés, montrait qu'il avait passé assez de temps avec ces gens pour comprendre que la vraie valeur, enfin la valeur des choses n'était pas dans de la pacotille, mais dans ces cailloux-là. Mm-hmm. Voilà, donc, voilà, toute sorte d'aller-retour. Et puis, par exemple, une coiffe amérindienne, c'est genre avec plein de plumes. Mm-hmm. Mais les plumes, c'était pas des plumes, mais c'était des pailles à boire, tu sais. Mm-hmm. Et puis qui montrait aussi cette imprégnation entre culture contemporaine et traditionnelle. Mm-hmm. Voilà, bon, d'autres espaces, l'espace artiste, l'espace au-delà, l'espace regard, avec une scénographie qui est vraiment très belle, très esthétique, très intelligente, et puis par moments super ludique. Il y a une pièce qui s'appelle... La pièce ambassade, c'est que du mobilier en carton, avec toutes sortes de dispositifs d'écoute. À un moment donné, tu dois appuyer sur l'accoudoir, puis tu as une sorte de boîte qui s'ouvre pour écouter quelque chose. Tu as un meuble avec des rangements suspendus, tu sais, et tu en écartes. Donc, il y a un écran avec une vidéo qui te raconte quelque chose. Donc, ouais, moi, je suis allée avec mes enfants, ils ont eu vachement de plaisir. Mm-hmm. Ouais. Voilà, mais effectivement, quand je suis sortie, toujours ça fait un peu gamberger, puis voilà, une sensation un peu de malaise en voyant ces objets d'ailleurs précieux enfermés dans des vitrines là chez nous. Puis en fait, voilà pourquoi en parler avec toi dans notre podcast féministe. Mais parce que c'est intéressant, Alessandra. Parce que c'est intéressant, puis tu vois, là, on a dû se positionner ces dernières semaines. On a commencé à faire un dossier de demande de fonds. On a eu une journaliste de la Tribune de Genève qui nous a contactés. Ouais. Et on a dû, dans ces différentes démarches, clarifier vraiment de manière explicite notre démarche, ce qui était important pour nous, comment on fonctionnait. Et puis, un truc qui est vraiment, je sais qu'il est au fondement de notre question, c'est interroger les rapports de pouvoir, quels qu'ils soient. Et puis là, ces objets... La présence de ces objets plutôt dans nos musées, elle interroge ça. Tu vois, quand on dit... Il va le faire réfléchir à ça. Oui, quoi. Ouais. Parce que quand on dit aussi c'est notre collection. Ouais. Ouais, mais notre... comment elle est devenue tienne? Donc voilà, une invitation là à ce qu'on parle ensemble un peu plus loin que cette sorte d'émotion naïve face à ces beautés. En s'interrogeant en fait sur la légitimité de leur présence dans nos musées européens. D'ailleurs, juste aussi, c'est fou le succès qu'ont ce type de musée, parce que quand je réfléchissais au musée qui est d'ethnographie à Genève, du coup le MEG, c'est quand même un sacré bâtiment, un sacré projet. Ça illustre aussi l'appétence pour ce genre d'exposition. Oui, tu m'as dit qu'on allait parler de ce sujet, alors j'ai écouté quelques émissions radio et j'ai lu quelques articles là-dessus. J'ai quand même essayé de travailler un peu, Alessandra. Et ouais, c'est vrai que, enfin, il y a quand même des musées comme ça en Europe qui ont construit leur, disons, leur renommée, leur pouvoir aussi en tant qu'institution sur des collections acquises. Pendant la colonisation, par exemple, le British Museum ou le musée du Quai Branly, bref, il y a des musées aux States aussi. Enfin, c'est assez... Et puis, c'est ces collections-là qui font la renommée vraiment du musée. C'est très impressionnant. Tu parlais du British Museum. Il a plus de 200 000 objets africains. Et il y a une experte en histoire culturelle en Europe qui s'appelle Bénédicte Savoie. Elle utilise ce terme d'histoire de famille européenne. Que tu as l'histoire de ces constitutions de collections, surtout africaines, c'est vraiment une histoire de famille européenne, et puis aussi en termes de rivalité, qui aura la plus belle collection, le plus grand nombre. Mmh. Mais justement, je me demandais, enfin, moi, je ne suis pas du tout spécialisée dans ces questions justement de droit des biens culturels et puis de restitution d'œuvres. Mais voilà, est-ce que il y a un changement aussi dans la mentalité aujourd'hui des institutions à restituer ou pas, tu vois, de... parce qu'il y a quand même, par exemple, l'UNESCO, ils ont des organes pour faciliter les négociations entre gouvernements et musées, par exemple, pour la restitution d'œuvres. Et je me demande s'il n'y a pas, est-ce que ça commence peut-être à devenir un peu honteux de présenter ces objets qui ont été en fait volés, pillés, acquises de manière incorrecte. En tout cas, il y a, c'est intéressant, c'est toujours la même chose. La question de la légitimité, de la propriété de ces objets, elle est hyper ancienne. Parce que voilà, le pillage d'objets, donc ça veut dire avec tout le rôle symbolique des objets comme moyen d'humilier l'autre, comme tu vois, de domination sur l'autre, c'était déjà, bon, en tout cas, référencé depuis l'époque romaine dans les pillages par les Romains, mais sûrement avant, quoi. Mais tu vois, avec des dispositifs très forts où il y avait des édifices qui étaient construits dès le 2e siècle avant Jésus-Christ, spécifiquement pour montrer les objets récoltés pendant les pillages, pendant les périodes de conquête sur les peuples. Mais au-delà même de l'humiliation, il y a aussi juste en fait l'effacement d'une identité. Qui est une manière, ouais. C'est une manière d'humilier, mais c'est aussi une manière de fragiliser de manière durable, en fait, de façon durable, une communauté ou un peuple. Bah à la fois, tu l'enlèves de la communauté, mais à la fois, le fait de le montrer, tu vas aussi, ça a aussi pu participer à montrer une image complètement folklorisée ou exotisée d'un peuple, où tu vas le qualifier de sauvage en montrant des objets qui illustrent ce point de vue que tu veux dessiner sur eux. Mmh. Mais ce qui est drôle, c'est que c'était déjà une question, c'était déjà très critiqué. J'ai trouvé des traces d'un Polybe qui était un homme d'État et historien grec, donc au 2e siècle avant Jésus-Christ, et puis qui critiquait cette manière de faire. Tu vois, donc, quand, oui, il y a quelque chose de très contemporain, c'est aussi pour ça que ce sujet il nous vient, parce qu'il y a une effervescence, mais ce questionnement il est là depuis hyper longtemps. Et puis là, ces pratiques justement sont très anciennes. Il y a par exemple une évocation du palais d'été de Pékin ou Beijing, qui était un truc complètement hallucinant, qui a été mis à sac, Second Empire, c'est quoi, 1850, je crois, 1870, en France et en Angleterre. Il y a aussi, pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale, aussi des histoires très fortes de spoliation, notamment d'œuvres d'art. Et donc, il y a aussi une histoire qui montre que ça fait un moment que les pays redemandent leurs objets. Par exemple, il y a une femme qui fait partie de mon enfance, qui s'appelle Melina Mercouri, qui est une chanteuse grecque, qui a quitté la Grèce, puis qui est revenue après la dictature et est devenue entre 80 et 89 ministre de la culture. Et elle a réclamé à l'Angleterre et à l'Allemagne les marbres du Parthénon. Et cette demande-là a été refusée par l'Angleterre encore en 2017. Voilà, l'Égypte, je crois que ça fait depuis 20-30 ans qu'elle demande des choses à l'Allemagne. Il y a des pays du continent africain qui demandent depuis 60 ans de récupérer des objets, c'est resté sans réponse. Et puis quand même préciser qu'il y a une dimension particulière au patrimoine africain qui a vraiment particulièrement été pillé, quoi, par les pays occidentaux. Oui, justement, dans une des émissions que j'ai écoutées sur le sujet LSD de France Culture, il y a Malek Ndiaye, qui est historien de l'art et directeur d'un musée à Dakar, qui raconte, voilà, que en fait 80% du patrimoine d'Afrique est situé en dehors du continent, donc c'est vraiment énorme. Bah, à tel point que ça fait friser les moustaches qu'il n'a pas du président actuel français, Macron, parce qu'en novembre 2007, il était à Ouagadougou dans une université, je crois, donc au Burkina. Il a fait tout un discours où il disait qu'il était d'une génération, ça répond aussi un peu à ta question, pour qui les crimes de la colonisation européenne sont incontestables. Donc déjà, bonne chose de fait, ça avance, mais que donc il veut que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions, il dit ou temporaires ou définitives, quand même une manière de ne pas trop se faire compter dans 5 ans, de retour du patrimoine africain en Afrique. Ouais, et il parle aussi dans ce discours de développer en fait les partenariats entre les institutions, les différents pays. Et je pense que ça, il y a, enfin, dans le sens où voilà, l'objet culturel est hautement politique, et c'est aussi en fait ça peut être un levier pour des relations saines ou pas entre gouvernements, entre institutions. Et ça, c'est vrai que c'est aussi des manières de négocier pour des pays qui demandent que des objets leur soient restitués, comme notamment l'Égypte. Et c'est de dire, bah, vous ne nous rendez pas ce qu'on vous demande, vous ne faites plus de fouilles chez nous. Ou on ne vous prête plus d'objets pour vos expositions. Donc ça, c'est aussi des manières en fait, de faire pression. Ouais, puis comme tu dis, c'est à la fois une occasion pour les pays d'utiliser comme un levier de pouvoir, donc que ça augmenterait leur capacité dans le débat, dans la négociation. Et de l'autre côté, ça peut être rejoué comme un truc paternaliste. Ouais, alors nous, on a la super expérience muséale, donc on va vous dire comment vous devez vous organiser. Donc il y a plein d'enjeux là-dedans. Aussi, bah, on est toujours dans cette curiosité de voir ce qui se passe en Suisse. Il y avait une exposition justement à Genève en 2016, toujours donc dans ce MEG, Musée ethnographique genevois, qui s'appelait Amazonie. Et déjà en 2016, il y a une journaliste qui s'appelle Paula Duprat d'Obias qui posait cette question, à qui appartiennent ces objets ? Et puis c'est intéressant parce que cette exposition était aussi toute construite sur les collections propres du musée, sur les collections sales du musée. Tu vas constituer depuis des siècles, aussi bien par des apports de soldats, de botanistes, d'ingénieurs ou de diplomates qui avaient séjourné au Brésil ou dans la région. Puis j'aime bien parce que le directeur du MEG, Boris Vassio, il dit que la plupart de ces objets obtenus au 19e siècle et début du 20e sont le fruit d'échanges avec les populations locales. Et vraiment, t'as envie de dire, oui, bah alors l'échange, il y avait quoi comme de chaque côté, parce que pour dire, il y avait un autre exemple en 2014 où la Suisse a dû rendre à la Bolivie un monolithe de pierre qui était vieux de 2000 ans. Puis en fait, ça représentait une divinité de la prospérité avec une statue à qui on attribuait de grands pouvoirs chamaniques. Et elle s'était, tu vois, retrouvée en Suisse en 1858 dans les bagages d'un explorateur suisse qui s'appelait Johann Jakob von Tschudi, et puis qu'il aurait échangé contre une bouteille de cognac. Donc voilà, la notion d'échange, elle est quand même bien pratique et illustrative de ce qui se passait. Ouais, c'est ça. Puis c'est aussi, je veux dire, après, donc ces restitutions, elles peuvent faire l'objet de, comment tu dis, de trial, de... De négociation. Ouais, de négociation, mais avec, appuyé sur le droit, en fait, ou la loi. Mm-hmm. Mais s'il n'y a pas de loi... parce qu'il n'y a pas forcément de loi qui stipule que tel pays doit rendre, donc c'est aussi difficile dans un contexte international. Et puis il n'y a pas forcément l'échange, il y a peut-être 100 ou 200 ans, peut être vu aujourd'hui mm-hmm. comme incorrect légalement, mais comment le juger, c'est hyper c'est difficile aussi dans le contexte légal en fait de vraiment poser ça. Et justement, c'est aussi vraiment une discussion éthique un peu. Enfin, c'est très complexe. Et puis, il y a aussi ce truc... un des arguments, justement, que j'entendais là dans l'émission, un des arguments pour des pays européens ou occidentaux pour ne pas rendre des objets, c'est de dire, oui, mais nous, chez nous, ils sont en sécurité et tout le monde peut venir les visiter. Et puis, en fait, à l'époque, c'était peut-être vrai, mais aujourd'hui, les pays qui demandent la restitution d'objets ont en fait et du personnel et des infrastructures tout à fait adaptées pour accueillir ces œuvres-là. Donc ça ne tient pas. Et puis un autre argument, alors super space, c'est cette idée un peu de musée universel. Ouais. Alors qu'on serait tous des êtres humains et des citoyens du monde. Et puis, qu'on partage tout ce sort d'héritage humain. Mais c'est n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment... Et puis, du coup, tu dis, mais c'est qui déjà? Alors, tu t'écoutes, c'est qui dit ça? Et puis c'est où qu'ils veulent faire ces musées, enfin c'est n'importe, c'est, ouais, c'est vraiment vois, des... le MEG, donc le musée de Genève, il parle du fait que il dispose des archives de la diversité humaine. Mais moi je veux bien, à part ça, enfin dans le sens où où c'est hyper important, je pense qu'il y a un accès à ces œuvres et que voilà, c'est aussi le sens, enfin il y a des œuvres qui ont peut-être passé autant de temps dans leur pays ou sur leur lieu d'origine que dans les musées dans lesquels ils ont été, enfin tu vois, dans lesquels ils ont été mis. Mm-hmm. Donc on peut... Tu veux dire quoi par là le... Non, mais dans le sens où peut-être un objet qui a été volé il y a 100 ans, bah, peut-être qu'il avait 100 ans à l'époque où il a été volé, et après il a été mis dans un musée. Donc tu vois, sa vie, ça a été moitié mm-hmm. dans son pays d'origine, moitié dans un musée. Donc évidemment aussi, son sens, je pense qu'il change, tu vois, selon le contexte. Et je pense que ce qui est important... Enfin, je dis pas que la restitution c'est pas important, je pense que c'est très important, mais ça semble être aussi un processus qui prend beaucoup de temps, et peut-être dans l'attente de la restitution, très important de contextualiser les œuvres aujourd'hui dans les musées. Alors j'ai plein de choses à te dire, parce que déjà au niveau légal, il y a une convention justement qui a été faite par l'UNESCO des années 70, qui lutte contre le trafic d'objets culturels, et qui semble pouvoir être utilisée dans ces discussions. L'autre chose, c'est que tu parlais du changement de sens. C'est un terme que cette Bénédicte Savoie appelle la translocation. C'est justement, suivant le contexte dans lequel il est, un objet va être regardé, considéré de manière très différente. Et pour en revenir à l'exposition du Maine, c'est rigolo parce qu'il y a un endroit qui s'appelle Regard, justement l'espace Regard. Et puis, une série d'objets... en fait, qui sont classés sous la catégorie les objets dont on ne sait pas à quoi ils servent. Puis tu vois, ça révèle tout, quoi. C'est que t'as tellement extrait de un truc de son environnement, c'est que mis ailleurs, t'es là, c'est une... Non c'est... Oui, ça c'était hyper marrant parce que j'ai fait, il y a quelques années, j'ai fait un interrail et puis j'avais un peu ce trip où j'allais en France, dans différentes villes avec le train. Et puis j'avais visité des cathédrales, en fait, des vieilles cathédrales, je trouvais ça super cool. Et puis, je crois que c'était à Bourges, il y avait une exposition, en fait, dans le musée, je pense, qui était un sorte de musée d'ethno, je sais pas quoi, de Bourges. Puis c'était assez marrant, c'était en fait, c'était, ils avaient fait comme si c'était une exposition du futur sur nous. Ah oui, j'adore. Mais ça, c'était hyper marrant, un peu genre dans 5000 ans, tu vois. Et puis, donc un truc, c'était un peu ce truc-là, c'était, oui, alors on a trouvé ces objets... et on sait pas à quoi ça sert, puis justement il y avait le crucifix avec Jésus. Et puis ça, oui, alors il y a un gars, il est cloué sur deux planches et on sait pas à quoi ça sert. C'est hyper marrant. Puis genre ils le mettent un peu dans différentes postures et tout, mais qu'est-ce quoi ça peut servir, à protéger du soleil. Ouais. Oui, j'avais eu la même réflexion sur les capsules de bouteilles de coca. Est-ce que c'est une monnaie d'échange, est-ce que c'est une divinité? Ouais, ça c'est fabuleux, et ce serait très intéressant d'avoir aussi, peut-être, parce qu'il faut de l'inventivité muséale pour repenser tout ça, parce que c'est juste on parlait de révolution avant, mais c'est une énorme révolution ça, donc de confronter la connaissance peut-être de quelqu'un qui est issu de cette communauté ou qui y vit, et puis tu vois quel regard il porte sur une personne qui vivait en Amazonie, comment elle a considéré l'expo. Est-ce que c'était à Genève, est-ce que c'était, tu vois. Mais aussi, ce que je voulais dire encore, il y a plein de problèmes aux restitutions, ça illustre aussi le rapport historique et politique, c'est que tu rends à qui? Dans le sens, les frontières, elles sont post-coloniales, tu vois. Alors c'est des fois des ethnies qui peuvent se retrouver sur différents pays actuels. Alors est-ce que tu vas rendre à un peuple ou à une géographie? Qui est devenue nationale. Ça c'est très complexe, et puis ça fait le lien aussi avec cette histoire d'évolution du regard posé sur les choses. Il y a eu toute une histoire qui est rapportée par une chercheuse, Aureline Gay, qui parle de problèmes psychologiques à ces restitutions, notamment dans une affaire qui s'appelle l'affaire des têtes maoris. Donc ça faisait 30 ans que la Nouvelle-Zélande avait mené une campagne internationale pour récupérer l'ensemble des dépouilles et puis des restes humains maoris qui ont été disséminés comme ça à travers le temps et les siècles par les colons européens. Et la France a mis très longtemps à réagir à cette demande, pour finalement adopter en 2010 une loi spécifique, vraiment la loi spécifique qui visait, je cite, à autoriser la restitution par la France des têtes maories, donc très précis. Je pense qu'ils ont aussi bien ciblé à cette affaire-là pour pas qu'elle fasse jurisprudence pour d'autres. Donc voilà, c'était en gros une vingtaine de têtes réparties dans différents musées français. Et puis du côté de la Nouvelle-Zélande, préciser aussi que ce débat sur la restitution, il était aussi plein d'enjeux politiques internes, donc c'était des hommes politiques néo-zélandais qui, à travers ça, voulaient marquer les esprits, tu vois, que ça participe à redorer leur popularité, tu vois, poser des actions fortes et emblématiques. Et donc ça, c'est fait. Et de manière publique, la Nouvelle-Zélande et les Maoris ont vivement remercié la France. Puis en fait, en privé, c'était vachement plus compliqué parce que ça venait renourrir une image négative des Maoris par ces pratiques ancestrales, tu vois, de réduction de tête des ennemis, qui aujourd'hui, quand on relit cette histoire-là aussi, apparaissent comme très cruelles. Donc voilà, ça montre aussi que, par rapport aussi à ce que tu racontais 100 ans ici, 100 ans là, qu'un objet que tu as sorti de son histoire et de sa géographie, quand il est réinjecté, qu'est-ce qu'il vient re-raconter et comment c'est tenable ou pas, quoi. Oui, c'est ça, mais je pense que ce qui est quand même intéressant, donc évidemment, on ne peut pas reconstruire le passé. Mais je pense que ce qui est très important, c'est à la fois aussi en Occident et ailleurs, d'assumer son histoire, de raconter l'histoire telle qu'elle a été et de ne pas essayer de reconstruire une sorte d'histoire glorifiée comme on le fait aujourd'hui en Occident, où on ne reconnaît pas, par exemple, les dégâts causés pendant la colonisation. Mais voilà, c'est vraiment, je trouve que c'est une question d'assumer son histoire aussi. C'est ça, puis c'est en tant que visiteuse ou visiteur, c'est prendre conscience que ces musées, ils sont à la fois justement ces lieux d'émotion dont je parlais avant, une émotion de la curiosité et de la beauté, parce que tu te trouves confronté vraiment à des choses somptueuses, quoi. Mais ça raconte aussi, il faut assumer que c'est aussi une histoire de violence de ces acquisitions et puis de propriété illégitime. Donc Brigitte Savoy, elle disait que les musées sont à la fois dépositaires de la créativité humaine, mais aussi de cette histoire plus sombre. Et puis c'est effectivement déjà un premier pas que de la mettre en lumière. Et puis ouais, on pourrait effectivement faire une sorte d'acte de repentance un peu. Je sais que c'est un terme qui est très sensible politiquement, mais et puis même le faire dans la joie, parce que Brigitte Savoy, elle parle de cette joie qu'on pourrait injecter à ce processus. Une joie, elle dit, responsable, prudente et réfléchie, qui donne une âme à ce projet du XXIe siècle. Donc voilà, pour montrer à quel point c'est une question effectivement complètement actuelle. Ouais, et puis souvent, je trouve aussi que ces musées-là, comme le MEG, enfin les musées d'ethno, ou les musées aussi d'art et d'histoire, qui ont parfois des collections d'égyptologie, des choses comme ça, enfin des objets d'Égypte, ou voilà, c'est... Quand tu y vas en tant qu'enfant, si tu as l'occasion d'aller régulièrement au musée, c'est vraiment quelque chose qui, ça shape, comme ça forme, ça façonne ton idée aussi du monde et des rapports entre les êtres humains. Et puis que, ça te crée un truc super space, tu vois, que genre tu dis, ah les Égyptiens, c'est des trucs avec les momies. Enfin, tu vois, ce truc genre super kitsch et super bizarre, un peu... que t'as quand t'es gosse, tu vois, enfin voilà, tu rentres dans l'imaginaire collectif, tu le crées avec ça, puis c'est clair que du coup c'est un grand travail de déconstruction aussi qui t'attend après pour comprendre qu'en fait c'était pas très ok l'histoire qu'on t'a racontée. Ben justement, commençons tout de suite, tu vois, et puis de mettre en scène dans des dispositifs muséaux spécifiques qui montrent que ça parle plus du regard que nous portions sur les autres plus que sur une vérité absolue de l'autre. Et ça peut être génial de commencer à te construire comme ça, plutôt que c'est le Père Noël, quoi. Plutôt que de croire au Père Noël, puis après on me dit qu'il n'existe pas. Commençons dès le début. Pas de rêve, les enfants, c'est fini. Non, mais il y a plein que la réalité. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est très fécond, puis c'est très... Oui, non, mais c'est pas juste. Bah, tu sais, ça, tu vas en chier, et puis tu vois. Ouais, on a parlé de tout ça en famille, et puis j'ai l'impression que ça fait pétiller plein de questionnements, ouais. Et de trucs, autre chose. Et puis voilà, c'est de ce côté stimulant, c'est aussi de justement parler de créativité muséale. Tu vois, peut-être qu'on pourrait aussi penser à une exposition qui non seulement donne une traçabilité précise des objets, puis c'est en train de se faire, là, je crois que ça commence à être une exigence un peu qui traverse les musées européens. On pourrait aussi peut-être montrer, montrer les objets qu'on a dû rendre. ou de l'autre côté dans les pays d'origine, montrer des photos ou je sais pas, une manière de montrer des objets qu'on n'a plus, enfin de mettre en scène mettre en scène l'absence aussi. Ouais, exactement. Et puis, parce que l'autre, il faudrait la rendre visible et tangible, parce que si on, tout bonnement on efface tout, c'est aussi, on ne va pas pouvoir faire l'histoire de notre regard sur l'autre. Et ça, je pense que c'est quand même vachement intéressant. Il y avait des exemples de musées justement sur les Indiens d'Amérique du Nord, qui étaient, voilà, nouveau dans une reconstitution complètement fausse de leur mode de vie, mais qui étaient... Et puis de les enlever tout bonnement et simplement, on enlève cette occasion de comprendre à quel point on a pu participer à ces représentations d'autrui. Donc voilà, tout ça illustre bien, effectivement, comme le montre cette expo à Neuchâtel, que l'impermanence des objets, c'est surtout le regard qu'on porte sur eux qui est pétri d'instabilité, qui se transforme sans cesse, que ce soit dans nos vitrines occidentales ou dans les pays d'origine. Et puis peut-être que cette expo neuchâteloise, elle porte aussi très bien son nom du fait que ces objets vont peut-être pas rester toujours sous notre regard. Pas c'est vrai, il faut se le dire, ils ne nous appartiennent pas. Alors, dans l'expo, il y a aussi un nain de jardin, bien local, bien de chez nous, mais tout clouté par le collectif jurassien Planque et Replanque, et ça, c'est à consommer sans modération. Oh, cette conclusion radio, génial. Vingt-neuvième épisode de Crépidule aujourd'hui, et le podcast Crépidule se fait à la sueur de notre front, mais aussi grâce aux contributions de nos auditeurs et auditrices. Et pour soutenir le podcast, vous pouvez aller sur notre site, il y a un petit onglet « Nous soutenir ». Vous cliquez dessus et puis vous voyez, il y a toutes les démarches pour nous aider. Merci. Oui, parce que toutes ces histoires de matériel, c'est important aussi. Parce que ce qu'on avait aussi comme problème dans l'espace public, c'est qu'on avait un seul micro à se partager. Ce n'était pas très naturel comme échange. Et on voit aujourd'hui le plaisir qu'on a à pouvoir faire autrement. Donc voilà, il y a plein d'enjeux de plaisir, mais de qualité. Oui. En cours. Et moi aussi dire, et toi, tu ne le sais pas encore, Alessandra, que le 17 mars, pour ceux et celles qui sont à Genève et qui ont le temps, 17 mars, c'est un samedi, je vais lire. Tu m'as dit. Ah, j'ai déjà dit. Ah, je t'avais déjà dit, j'ai déjà oublié. Je vais lire un texte de Chimamanda Ngozi Adichie. Et pour vous motiver à venir, vous dire qu'il y aura aussi Chimamanda Ngozi Adichie. Tu vas lire devant elle ? Je vais lire avec elle, Alessandra. Et moi, je vais lire en suédois. Et puis, il y aura d'autres femmes qui liront dans d'autres langues. Et elle va lire en igbo. Un texte, un de ses textes. Je crois que ça s'appelle, en français, ça s'appelle Cher. Cher Ijawele, je crois. Ok. Qui est en fait une sorte de manifeste féministe pour parents, pour éduquer en fait. Oui, c'est à son fils. C'est une lettre, c'est un texte qu'elle a adressé à son fils en fait pour parler d'éducation féministe. Ah, c'est à son fils. Ça, ah, je croyais que c'est... Ouais. Non. Moi j'avais plutôt l'impression qu'elle l'adressait à une amie. J'ai pas lu en entier, j'ai lu juste la partie que moi je voulais. Peut-être, ouais. Enfin, d'accord. En fait, il faut encore un petit peu vérifier. J'apprends mon texte en suédois. Oh. Parce que tu vas devoir le réciter ? Oui, en suédois, une partie. Mais t'auras quand même un texte. J'espère. Ah, okay. Sinon, ça va être chaud. Ok. Je sais pas, les répétitions commencent la semaine prochaine. Waouh, dis donc, quelle aventure. Ouais. Oh, ça va être beau cette chorale, je m'en réjouis. Ouais, c'est assez chouette. Puis ce qui est marrant, c'est qu'on est... Donc, c'est un projet qui est mené par une metteuse en scène genevoise, je pense, enfin, d'ici, qui travaille ici en tout cas. Et puis, en fait, j'ai déjà fait une répétition, en fait, on a fait la lecture en suédois et tout. Et puis, c'était assez marrant parce que... Donc, elle m'a dit, ouais, Laureline, il faut essayer de communiquer un peu tes sentiments. Mais pour ceux et celles qui me connaissent, je suis pas la personne la plus expressive au monde. Et vraiment, elle m'a dit un truc, ça m'a fait assez mal. Et du coup, j'ai mis un peu le paquet, puis elle a fait... Elle m'a regardé et elle a fait, je crois que ce que tu crois que tu communiques, c'est pas vraiment ce qu'on voit. Elle dit, je pense qu'en toi, c'est très fort, mais en fait, tu n'arrives pas à le sentir. Oh, dis donc. Mais tu vois, ça, c'est vachement intéressant, parce que est-ce que la langue suédoise, elle est aussi... dans une musicalité hyper expressive ou comme ça. Enfin, est-ce que là, c'est pas s'achoper aussi à des codes culturels? Ouais, moi je pense aussi, ouais. Moi je pense aussi. Mais enfin, je pense ça, mais bon.